Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur. Et pour se joindre à moi, en ce 10e épisode, ce chiffre magique, nul autre que Renaud Giraldo. Salut Renaud. Le sage des heures. Le sage des heures. T'es vraiment, t'as une fixation sur le sage, puis je trouve ça génial. On prendra le temps tantôt d'en parler, parce que quoi qu'on va pouvoir en parler tout de suite. Mais... on aimerait ça avant saluer une belle performance d'un joueur de Sherbrooke. Ouais, je pense qu'on peut souhaiter félicitations à Olivier Parent-Gagnon qui a gagné hier samedi. Ouais. Le PPTQ de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben ouais, c'est un jeune de Sherbrooke. Un jeune de 15 ans de Sherbrooke. Puis, solide. Il est arrivé avec un deck rouge-blanc. Agro, token. Mm-hmm. Avec des Rebel Master, puis... Ça doit ressembler des à... Des Stoke of Flames, fait que... Ouais, ben le Grand Prix de Memphis, il avait... Ça ressemblait au deck que Ben Stark a... Ouais, c'est ça, exactement. A mis en finale. Ouais. Il a gagné le PTQ, 37 personnes avec ça. Puis, félicitations à lui. Ben ouais, félicitations. C'est son premier tournoi compétitif en dehors des FNM. Fait que... Ouais, c'est génial, ça. Tout le monde était content de voir que... qui a gagné. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais ça va mettre les jeunes de Sherbrooke sur une voie pour apprendre des détails de sideboard puis de choses comme ça. Ouais. Puis de construction de deck. Puis de partout au Québec. Parce que honnêtement, c'est ça. Ça va donner un espoir là, plus que aux gens, puis leur montrer que à peu près n'importe qui met un petit peu de sérieux là. Peut gagner à Magic. Là. Ouais. T'as pas besoin de t'appeler. Tu sais, pour les gens de Sherbrooke, là, t'as pas besoin de t'appeler Philippe Asselin pour gagner à Magic. Là. T'as juste besoin d'utiliser un peu ta tête, puis tirer ton épingle du jeu dans un tournoi pour réussir à gagner. Puis t'as pas besoin de jouer depuis 5-10 ans. Là. Parce que je sais qu'il y en a qui ont peur d'aller dans des tournois, des fois parce qu'ils se disent qu'ils vont se faire ramasser. Mm-hmm. Mais c'est en allant au tournoi, puis en commençant à jouer, que là, tu vas apprendre avec ces gens-là à mieux jouer. Puis, ouais. Les jeunes qui jouent à Sherbrooke en ce moment, au début, étaient très intimidés, mais là, ils ont pris leur place, puis ils ont vu qu'ils étaient capables de gagner un peu, mm-hmm. même s'ils gagnaient pas les tournois, ils voyaient qu'ils étaient quand même capables de gagner des matchs. Puis là, ben, ils savent qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs. Fait que... Ouais, c'est génial. Honnêtement, je trouve ça bien, puis c'est la nouvelle structure que Wizards a proposée, je pense, qui rend ça possible. Puis honnêtement, il y a bien des défauts peut-être à cette nouvelle formule, mais moi, cette qualité-là de faire qu'il y a des plus petits tournois régionaux, ça permet à des jeunes, puis à un certain type de joueurs de se démarquer dans ce genre d'événement-là. Puis ça va être bien le fun, je pense que même qu'il y a les PTQ, là, avec tous ces joueurs-là qui se sont qualifiés, je pense que ça va être un bel événement aussi. Fait que moi, je me pousse en l'air sur ça, puis encore félicitations. À notre joueur de Sherbrooke qui a gagné. Puis comme je te disais aussi, je pense que de ce genre d'histoire-là, de petites histoires intéressantes que là, on a pu voir à Saint-Jean, ben écoute, je pense qu'il y en a peut-être d'autres à travers le Québec. Ce serait intéressant de faire un portrait de qui est qualifié, puis qui c'est qui en ce moment les joueurs québécois qui réussissent à gagner ces événements-là. Puis honnêtement, je suis très content de où est-ce que ça s'en va, tout ça, parce que ça me permet justement... aux joueurs du Québec, notamment. Je pense que le Québec est un bon exemple pour ça, de se faire valoir dans des événements compétitifs sans que ce soit des... Parce que les PTQ, le niveau était quand même élevé vite. Là. La marche entre un FNM et un PTQ, là, ça pouvait être assez élevé. Là. Tandis que là, maintenant, je trouve que c'est une marche intermédiaire qui permet à des joueurs de FNM de s'essayer, de sauter dans l'eau de Magic compétitif et de vivre une expérience qui est peut-être moins intense et drastique que directement un PTQ. Parlant de FNM, on s'est croisé à Sherbrooke vendredi. J'étais bien content de te voir en chair et en os. Ça faisait longtemps. Oui, moi aussi, j'étais bien content. Ouais, puis c'était le FNM du Griffon, pour ne pas le nommer. Et tu étais là avec une pile que tu affectionnes particulièrement depuis les dernières semaines, le Sage des Heures. Comment ça s'est passé, ton FNM? Le FNM, ça a été pas si mal. OK. Celui de 4 heures, j'ai fait 3-0. Puis celui de. Ouais. Puis celui de 19 heures, j'ai fait 2-2, mais ça s'est relativement bien passé quand même. Ah ouais, ok. T'as eu du plaisir. Puis je l'ai joué aussi un petit peu samedi. OK. J'ai fait 6 rondes avec samedi. Ah ouais, samedi au pré-PTQ du tome 2, c'est ça? C'est ça. OK. Puis, j'ai joué 16 parties sur OK. 6 rondes. J'en ai gagné 9 sur 16, Ah, c'est bien. dont 7 sur 16 où est-ce que j'ai combo. Donc, Quand j'ai même. 44% du temps des parties, j'ai fait le combo, j'ai pris Infini. infini de tours. OK. Puis, j'ai gagné 56% des parties, mais j'ai fait 3-3 OK. dans mes matchs. Fait que les matchs que j'ai perdus, j'ai au moins gagné une partie, là. Puis c'était tout le temps serré, ou sur des mulligans à 5, là. Puis contre Abzan, j'ai mulligané à 5, game 3, Yeah. dans la troisième partie. Puis c'était super serré, OK. vraiment, vraiment, vraiment super C'était serré. Abzan quoi, plus contrôle ou plus aggro? Abzan plus contrôle, ouais, avec des tentatives, puis des. OK. Mais un curseur tôt dans la partie, puis là, j'ai fait Lange, puis je le spell, Lange, puis je le spell, fait que j'ai pris comme plusieurs cartes partout avec mon curseur. OK. Je suis revenu dans la partie, puis il manquait juste une pièce du combo pour gagner, puis lui, Ultimate Elspeth, le OK. tour avant que je pige ma pièce, fait que vraiment, ça aurait pu aller d'un bord ou de l'autre. Fait que, tu sais, il manque pas grand-chose pour que le 3-3 devienne un Ah. 4-1-1. Puis quand tu Parce combos. qu'à 4-1-1, j'aurais fait top 8, tu sais. Ah ouais, OK. Ça aurait été malade. Une grosse différence, parce que le fait que j'ai perdu round 5, quand j'étais encore 3-1, quand j'ai perdu round 5, là, je suis devenu 3-2, puis c'était plus. Mais si je gagnais là, j'étais dans le top 8 parce que je pouvais faire une drop. OK. Fait que c'était particulier. Ben ouais, c'est clair. Puis tout le monde devait se demander un peu qu'est-ce que t'es en train de faire là. Oui, c'était pas mal la discussion de la journée, ça. C'est clair. Les Pour gens les qui se auditeurs. retournaient autour de la table et qui faisaient qu'est-ce que. Puis mes adversaires, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, qu'est-ce que je fais comme Ça, j'allais dire. sideboard contre ça, là. Ouais, c'est ça Ouais, c'est exactement. Mais ça. ça, Fait que j'allais c'est dire, pour les vraiment avec auditeurs le qui savent fond à pas jouer. exactement c'est quoi le deck dont on parle, dans les notes d'épisode ou sur la page de la balado, vous pouvez voir, là, Renaud nous a partagé cette liste magnifique. As-tu apporté des modifications à ta Ouais, j'ai apporté liste? des grosses Ouais. modifications, surtout à la. Parce que c'était difficile de construire la mana. Fait que là, présentement, là, il est pas mal plus vert-blanc. OK. Puis splash les Sage of Hours. Puis le but, c'est de jouer de l'accélération de mana pour jouer un Citadel Siege OK. rapidement. Puis faire de la valeur avec le Citadel Siege puis les Adjani. Jouer 4 elfes puis 4 sylvaines caryatides, ça peut paraître un peu fou, mais si on a un Citadel Siege ou un Adjani, ça devient des 4-4, des 5-5 assez rapidement. Ouais. Tour 3 Citadel Siege met des counters sur une sylvaine caryatide, la sylvaine caryatide devient 2-5, très difficile à gérer, puis ça bloque des Ben ouais. Siege Rhino. Fait que ça permet de gagner du temps pour jouer Adjani, le protéger. Puis après ça, une fois qu'on a Adjani, on creuse pour un Sage of Hours, puis. Puis une fois que le Sage of Hours est en jeu, on met 5 counters dessus par tour, fait qu'on a infini de tours. J'ai réussi à. Contre Abzan, là, il y a plusieurs personnes parce qu'ils savent pas comment jouer contre cette carte-là. Fait qu'il y en a beaucoup qui faisaient des erreurs. Ils faisaient quoi? J'avais un Sage of Hours des fois en jeu, Ouais. mais pas backé. Puis là, ils faisaient Abzan Charm. Puis là, ben, je faisais juste enlever les counters dessus. Même s'il n'y a pas 5. T'es pas obligé d'avoir 5 counters dessus pour les enlever. Ouais, C'est OK. t'enlèves tous les counters, puis s'il y en avait 5, là tu prends un tour de plus. Fait que j'enlevais les counters, puis là, mais ça en faisant charm, tu fais pas mon Sage of Hours, puis là je revenais le tour d'après, je mettais des counters. Ah ouais, OK. Fait que. Ah c'est mais Ou c'est vraiment Elspeth aussi, Elspeth moins, ça c'est arrivé aussi une fois. OK ouais, Elspeth j'avoue. moins pour détruire les créatures 4 ou plus, 4 mais. Ça l'a pas pété. ouais. Mais c'est ça puis ça me fait penser parce que tu parles que tu joues les Siege. Puis honnêtement ça je regardais un peu là, le Grand Prix aujourd'hui c'est Grand Prix Memphis, je me trompe pas puis les Siege sont vraiment ils sont quand même vraiment bons là, surtout le rouge notamment mais j'ai vu le vert jouer aussi. c'est quand même intéressant. Moi, je m'attendais pas que ce genre de cartes-là, même si c'est, souvent c'est des cartes qui donnent de l'avantage, puis en standard, on aime bien ça, les cartes qui nous donnent de l'avantage de cartes, mais je m'attendais pas à avoir une aussi grande présence des sièges. Ouais. Le rouge est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ouais, vraiment. Honnêtement. Mon adversaire round 5 m'a battu grâce à Outpost Siege. Mm-hmm. Parce que, dans blanc rouge, c'est ridicule. Outpost Siege, flip un Treasure Cruise. Mm-hmm. Le tour d'après, flip un autre Treasure Cruise. Puis là, j'ai 12 cartes avec son affaire. Là. Ça n'a juste pas de place. Ouais. Non, c'est ridicule. C'est vraiment très bon, honnêtement. Genre de carte que quand je les ai lues au tout début, c'était pas la première carte que j'aurais mis à dire ah oui, ça va faire un impact sur standard. Puis finalement, honnêtement, vraiment intéressant. Tu sais, si on parle brièvement de standard avant d'entrer dans l'épisode, j'ai remarqué, je sais pas si c'était comment au tome 2 là, la metagame, mais on voit vraiment là, le standard se cristalliser autour de blanc-rouge, disons, avec un splash de bleu ou non pour Jeskai. Abzan, autant aggro, mid-range que contrôle. Il y a aussi des variantes de vert devotion, vert rouge devotion. Puis honnêtement, c'est un peu ça là, qui est d'espèce de. Je trouve la structure de standard en ce moment. Puis t'as des decks un peu à travers ça, des fois qui font des belles performances. Comme par exemple au Grand Prix, là, je vais pas vendre la mèche, mais en même temps, là, c'est terminé. Donc le Grand Prix Memphis, c'est un deck Sultai contrôle qui a gagné. Puis c'était le seul représentant de ce deck-là jour 2 au complet, le gars qui a gagné le Grand Prix. Donc c'est pas un archétype qui est super populaire en ce moment, mais qui avait super bien fait dans les mains de Gérard Fabiano dans un SCG Open. Et en fait c'est ça, c'est une liste noir-bleu essentiellement qui a du vert pour les Satyr Wayfinder et pour des Tassigur. Tassigur pour l'habileté, quoi qu'il n'aurait pas nécessairement besoin, mais ça fait une belle interaction avec les Wayfinder. Mais ben c'est ça, donc en ce moment standard semble s'être un peu stabilisé. Toi, ça avait l'air de quoi au tome 2, la metagame? Ouais, ben la finale c'était, il y avait quand même beaucoup d'Abzan. Mm-hmm. La finale c'était Red White contre Blue White Heroic. Ok. Il y avait une coupe de deck Jeskai. Ouais. Mais en général c'était Abzan, Jeskai, ouais. Ouais. Red Green Devotion, beaucoup de Red Green Devotion. Mm-hmm. Deux ou trois decks Blue Black Control. Ouais. Il y avait mon deck qui fait pas partie vraiment l'OVNI, de la metagame. Ouais, non, elle compte pas dans la metagame. Mais à 44% de combo. Ouais, c'est bon. Ouais, il me semble qu'il y a quelque chose là que je peux continuer à le jouer sur Magic Online. Non, c'est clair. Puis les matchs où t'as combo, dans le fond, c'est tu gagnes automatiquement. Là. C'est fini. Là. Tu prends ouais, le tour. Fait que l'autre concède. Là. C'est impossible que je gagne pas, à moins que j'aie vraiment plus beaucoup de cartes dans mon deck. Là. S'il reste trois cartes dans mon deck, ça peut que je gagne pas. Là, parce qu'il faut quand même que je fasse du dommage. Mais ouais. S'il reste des cartes dans mon deck, je vais finir par trouver une Elspeth ou un autre Citadel Siege qui me permettent de commencer à mettre des counters sur une autre créature. Oui, c'est ça. Fait qu'à minute juste que tu dis combo infini, l'autre il gagner, concède, dans le fond. C'est ça. Je prends 40 tours. Là. Ouais. Comme, je devrais te battre. Ouais. Je devrais être capable. Ouais. Ok. Excellent. Mais dans le fond, c'est ça pour Standard. On passera pas beaucoup de temps cette semaine sur Standard parce que même si, bon, il y avait le Grand Prix et qu'évidemment, à chaque fin de semaine, il y a les standard de SCG Open, quoique maintenant ils ont changé la formule, mais c'est assez souvent. On passera pas plus de temps là-dessus cette semaine, on va plutôt peut-être faire un petit survol de limité, du moins en jaser un peu. Moi c'est un format que j'aime beaucoup, puis je trouve que c'est intéressant de jaser des cartes puis de voir où est-ce que t'en es avec le format. Moi j'écoute une couple d'émissions sur ça aussi, j'en regarde pas mal drafté, donc il y a comme des tendances que j'ai remarquées, puis on pourra peut-être en discuter un peu. Puis une bonne façon de commencer une discussion, c'est d'ouvrir un paquet. J'ai un petit paquet ici, puis là je me suis dit ah, un paquet l'ouvrir. Physique. Ouais, j'ai un petit paquet ici, tout. Et je vais l'ouvrir parce que moi j'ouvre jamais des paquets à part pour les drafter d'habitude. Fait que là, on va entendre le bruit dans ton micro. Tu vas même entendre le bruit dans le micro. Mais là je me dis que pour un épisode de Magic 101, ça vaut la peine de l'ouvrir. Je vais pouvoir te lire les cartes, te dire le nom des cartes, en parler, puis ça va faire aussi que les auditeurs qui jouent un peu peut-être un peu moins à on veut entendre le bruit. Ah, c'est parti, attention. C'est rush. Ah, voilà. Ah, voilà. C'est le paquet. Puis ça a même l'odeur aussi. C'est comme les cartes neuves, là. Ah. Mm. De magic porn. Ben, j'ai vraiment hâte qu'on s'installe un odorama pour que je sente ça. Hein, n'est-ce pas? Ok. Donc on va y aller tranquillement. Je regarde pas nos rares tout de suite pour pas vendre la mèche. Première carte, c'est Grim Contest. Colorless c'est correct, vert, ça. vert noir, tu connais ça. Mais Donc. c'est correct parce qu'il y a des archers par appel, c'est bon. Donc, C'est un toi. instant. C'est meilleur que. C'est meilleur que ce que j'avais dit dans au moment des spoilers, Ouais. je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, si c'est ton premier paquet, en fait, ça va être ton premier paquet, c'est Fate Reforged, ça va être ton seul paquet. Moi, je me verrais mal commencer avec une carte deux couleurs. C'est pas mauvais, mais sauf que. Ben, c'est sûr. Non, Si on pense paquet 1, choix 1, c'est sûr que c'est pas ouais. mon Non, non. choix, mais c'est ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas la carte, là, on choisit une créature que tu contrôles, une autre créature. Et ça fait le toughness, dans le fond, ça se dit, le toughness, c'est un genre de pit fight, mais avec le toughness. Ensuite, Dragon Bell Monk, 2 et blanc pour une 2-2, Vigilance Prouesse. Pas une mauvaise carte, moi je trouve que c'est une carte qui travaille bien dans les decks, surtout dans blanc bleu, blanc rouge. Je sais pas toi, c'est quoi ton expérience avec cette carte-là? Moi, je trouve que c'est une carte limitée que sa place là. C'est raisonnable, mais ça reste du remplissage. Ouais, c'est ça. C'est plus pour ta curve ou c'est plate que ça meurt à. Ben, à 3, il y a tellement de bonnes affaires à 3 que. Moi, j'aime le fait que c'est C'est l'autre. correct, mais c'est pas incroyable. Ça prend quand même une quantité critique de spells pour rendre ça bon. C'est meilleur sur le play, je trouve. Ouais, sur le play, parce que tu joues tour 3, l'autre tour 3 met un morph, là, t'en tapes. Là, tu peux attaquer avec ton mana ouvert, puis ici, il décide de bloquer avec le morph, vu qu'il y a prouesse, c'est. En tout cas, je trouve que c'est meilleur sur le play, mais c'est pas terrible. Prochaine carte, Rakshasa Disdain. Ouais, C'est. c'est de la Ouais, boucle. ça, je joue pas ça. Gurmag Angler. Ça coûte 6 et un noir pour une 5-5 avec Delve. Quand même pas mal, je sais pas toi. Moi je trouve que les cartes qui ont Delve, là, si tu sais bien équilibrer le nombre que tu as dans ton deck, c'est le genre de carte qui peut vraiment être utile. Fait que dépendamment si tu as plein d'autres bons Delve dans ton pool ou pas, ou dans, tu sais, éventuellement, ben c'est le genre de carte, je pense, qui peut faire du bon travail, toi. T'as-tu joué un 5-5, peu? c'est gros. Ouais, c'est ça, elle est vraiment grosse, là. J'ai joué contre quelqu'un aussi qui jouait, c'est les Gauntlet, je pense, là, qui coûte 1 puis 2 attachés, puis ça donne plus 2 plus 2. Puis là-dessus, là, c'est une 7-7 qui arrive assez tôt quand même, si avec des Rakshasa Secret. Fait qu'il a sorti comme tour 4, tour 5, qui était 7-7. C'est quand même pas mal. Là. Je trouvais que c'était quand même intéressant, mais bon, c'est pas un premier choix, c'est sûr. Sultai Runemark, 2 et noir. L'enchantement qui donne plus 2 plus 2. Et Death Touch, tant que tu contrôles une carte, un permanent vert ou bleu. T'es où, toi, sur les Runemark, là Sont corrects, surtout le bleu puis le rouge, je trouve. Mais Ah, ça mais tout prend le bleu, j'aime vraiment bien. beaucoup de two drop. Il faut faire two drop, trois drop. Puis essayer de rentrer au moins une attaque qui passe dans ses points de vie pour que ça vaille la peine. Puis après ça, faut que ça rende sa vie difficile. Mais le bleu permet aussi de donner de l'évasion Ouais. à une créature en fin de partie là. C'est pour ça qu'il est un peu meilleur. Mais Puis. le rouge tour 2 two drop blanc, puis le rouge tour 3 attaque de 5. Ben faut qu'il passe son tour 3 ou son tour 4 s'il est sur le play à tuer cette créature-là, parce que Ouais. sinon elle va rentrer encore de 5. Exactement. Puis, tu vois, moi, avant, là, ma philosophie, c'était moi, j'haïs me faire deux pour un dans la vie, là. Je suis pas capable. Ah, y a Fait pas grand monde qui aime ça. que. Mais sauf que. Fait Les que deux les pour un, auras, là. c'est. Fait que À les part auras, la les auras. Ouais, pizza, y a pas vas-y. grand monde qui aime ça, les deux pour un. Non, c'est clair. Mais sauf que. Je sais pas, moi, quand je vois une carte de même, je trouvais. Il y a quelque chose comme. En anglais, ils appellent ça best case scenario mentality, là. C'est comme la mentalité où. Tu regardes une carte, puis tu regardes tout le temps comme ah, comment qu'elle pourrait être écœurante, puis bien te servir. Mais là, moi, à chaque fois que je vois un aura comme ça, c'est oui, mais si en instant il pète ta créature, c'est fini, là. Mais sauf que Limité a beaucoup changé depuis, je dirais, quoi, Return to Ravnica. à peu près. Quoi qu'il y en avait un peu, mais c'est que Wizards est rendu vraiment frileux à mettre du removal en instant. Tu sais, ils disent removal inconditionnel en instant, en bas de curve, ça existe pratiquement pas. Ça existe plus. Honnêtement, ils veulent plus qu'il y ait ça dans l'environnement en limité, justement pour que dans ton tour, que tu sentes que tu peux aller chercher un certain avantage avec des cartes du genre. L'autre va pouvoir répondre dans son tour, mais au moins tu vas pouvoir avoir essayé de rentabiliser ta carte. Fait que, dans ce sens-là, à quelque part, puisqu'on vit maintenant dans un environnement limité où du removal presque pas conditionnel en instant, il n'y en a plus, ben ça te permet que des auras vont être montées un petit peu dans la sélection. Il y en a, mais ils coûtent 5. Ouais, c'est ça, exactement. Il va coûter très cher. Et c'est ça, ça te permet de jouer ça. Ou sinon, c'est des combat tricks. Ou c'était des uncom, des rares. Ouais. Exact. Donc, ce qui fait... Valorous Stance, par exemple. Mais même là, c'est conditionnel encore. Ouais, c'est ça. C'est ce qui se rapproche le plus. Parce que si tu mets ça sur une 3-1, là, ça devient une 5-3. Tu ne peux pas tuer avec Valorous Stance. En tout cas... Ouais, non, exactement. Ce qui fait que c'est pas une... Bon, je suis pas en train de faire l'apologie de ce genre de cartes-là, mais ça fait quand même que je trouve que récemment, les auras ont gagné un peu de points dans mon estime du fait que le removal non conditionnel en instant a beaucoup... c'est beaucoup comme... Je baserais pas mon deck là-dessus, mais si j'ai beaucoup de two-drop, je serais pas insatisfait d'avoir un rune mark dans mon deck. Surtout mais, si c'est un rouge ou un bleu. Ouais. Mais là, si t'es Abzan puis que ta prochaine carte, c'est Abzan, Runemark, tu mets-tu les deux dans ton deck? Parce que c'est ça notre prochaine carte, Abzan, Runemark. On a deux Runemark. Pour l'instant, j'ai pas de vraiment first pick dans tout ce qu'on a vu. Jusqu'à maintenant, je... Mais c'est le même commentaire là, sur Ouais, exactement. Même chose. Prochaine carte, Collateral Damage. J'aime le bout que ça coûte 1 puis ça dit en instant, Collateral Damage deals 3 damage to target creature player, parce que ça c'est lightning bolt, mais il faut quand même sacrifier une créature. Ouais. C'est quand même pas si pire, honnêtement, dans un deck avec la carte qui coûte 3 qui te fait des tokens en fait dans blanc rouge ou un truc comme ça où tu peux te faire des petites créatures que ça dérange pas, que tu peux t'en débarrasser, ça peut être pas dégueu. Faut bien Si elle est bien jouée, ça va être une bonne carte. Il faut être patient avec ça, puis attendre que l'autre utilise un de ses removal, puis là... Pouf, ouais. Pouf. Exactement, j'avoue. Ça, c'est Ou avoir Rumble Defector, des choses comme ça. Je sais pas, toi, en jeu, si tu la vois beaucoup. Moi, je l'ai pas vu tant que ça jouer, mais je trouve que... Collateral Damage, oui. Ouais, ouais. Ça a fini beaucoup de parties. OK. Puis, même si ça a l'air d'être quand même un prix très élevé là, à payer, il y a toujours moyen de manœuvrer. Mais ça demeure situationnel, puis ça ne te sauvera pas dans une guerre de top deck. Là. Non, effectivement. On s'entend là-dessus. Ouais. Tandis que Lightning Bolt, c'est ça peut toujours être un top deck. Là. Mais exactement. Ça n'est pas toujours. Il y a des fois où Collateral Damage va être dans tes mains. Si tu n'as plus de créature puis tu top deck, c'est ça. Tu penses que c'est... Hein? Bon. Faut être prudent. Ouais, hein? Tout à fait. Faut être prudent, mais c'est une bonne carte. Formless Nurturing, 3 et 1 vert. On manifeste le dessus de la library et on met un +1/+1. Donc ça nous fait un manifeste qui est 3/3. Pour 4, je trouve que c'est mauvais, mais je sais pas toi là. Ben, le +1/+1 counter est important dans ces couleurs-là, en vert. C'est vrai. Il y a Elite Scale Guard qui est vraiment excellent, puis toutes les créatures Outlast dans Cards of Tarkir. C'est vrai. Fait que il est plus important, les +1/+1 counter sur cette manifeste-là sont plus importants que les +1/+1 counter de la même carte rouge qui coûte 5 qui en met 2. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, ouais. Du fait que c'est dans les couleurs d'Abzan, dans le fond. C'est ça. Mais sinon, tu sais, c'est pas excitant, là. C'est un Giant. Okay. Jusqu'à maintenant, c'est un paquet un peu pas excitant au complet. Sensitive Outcast, ça, c'est bien. 2 et 1 pour une 2-1. Quand elle arrive en jeu, tu mets une 1-1 flying ou un +1/+1 sur lui. Une Moi, ça, j'aime ça. Commune du 7. Vraiment, là. C'est solide. Honnêtement, là, ça, puis la carte bleue qui coûte. C'est quoi, c'est 4 qui est 2-2 puis qui avance une créature? Ça en coûte 5. En coûte 5, ouais, c'est ça. Moi, ouais. Ces deux communes-là, je trouve que c'est deux communes là, pivot dans blanc puis dans bleu. Fait que jusqu'à maintenant, c'est clairement le pic pour moi. Alors, on continue avec Rootless Instincts. Ouais, puis si je reviens sur Sunstep Outcast, dans quelle mesure tu mets un +1/+1 counter sur cette carte-là? L'as-tu déjà fait ou c'est presque systématiquement un flying que tu mets? Ça m'est arrivé quand j'avais un Elite Scale Guard. Ok. De mettre avec le +1/+1 counter pour taper plus de bonhommes. Ouais, j'avoue. Mais je pourrais voir aussi la pertinence de le faire si j'ai beaucoup d'Enyok Bandkin puis de Outlast. Ouais, j'avoue que je l'ai pas vu en jeu avec. Si j'ai un Abzan Falconer, probablement qu'une 3-2 Flying pour 3, c'est bon. Mais oui. Généralement, ça va être une 2-1 puis une 1-1. Ouais. Ou si je sais que mon adversaire joue Barrage of Boulder, ouais. Des cartes qui. Le 1 Toughness, il va se faire ramasser. Ouais, c'est ça. Ben là, je pourrais décider de mettre une 3-2. Ouais. Ok. Prochaine carte, c'est une Uncom. Rootless Instincts, ça coûte 2 et 1 vert. On choisit un des deux modes, soit Target Non-Attacking Creature Gains Reach and Dead Touch until left turn, untap it. Ou Target Attacking Creature Gets +2/+2 and Gains Trample until end of turn. Quand même très polyvalent comme carte. Là. Dans la mesure où, comme on dit. Ça reste filler. Là. Ouais, mais. Ça reste dans remplissage. La... Mm-hmm. Si je me retrouve avec cette carte-là, puis Awaken the Bear. Ouais. Ben, je vais probablement mettre cette carte-là mm-hmm. dans le choix de construction de deck. Là, ouais, si ouais. je veux jouer un effet du genre. Ouais. Mais. Pas incroyable. Là. Pas incroyable, mais en même temps, c'est comme on disait tantôt, dans la mesure où le removal est plus difficile à être non conditionnel et tout ça, je trouve que ça donne un peu une espèce de mime d'un removal dans le vert. Là. Dépendamment de t'as accès à quel genre de carte, mais c'est le genre de combat trick qui peut avoir ouais. l'air d'un removal dans le vert. Mais... Ça reste en gros une carte de sideboard. Ouais. Alright. Shock Mudragon, 4 et 2 rouges pour une 4-4 flying. Et quand elle fait du combat, du dommage de combat à un joueur, elle fait 1 à toutes les créatures de ce joueur. C'est une belle carte, ça. C'est une belle grosse fin de courbe. Mais en même temps, rouge est pas ma couleur préférée. En ce moment, dans Fate Reforged ou dans Khans of Tarkir, je dirais, dans le format en général. Je sais pas, toi, tu files comment avec rouge, mais moi, personnellement, c'est pas la couleur que je priorise. Je trouve qu'il est un peu mince et. Ben, c'est ça. Donc, je sais pas. Moi, je suis pas vendu à cette carte-là. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? T'en es où sur rouge dans le format et est-ce que c'est le genre de carte que tu serais prêt à faire en first pick? Non, c'est Sunstep Outcast, c'est encore meilleur. Ouais, hein? Moi aussi, je suis assez d'accord. Jusqu'à maintenant, là, je suis Sunstep Outcast à 100%. Autre carte. Et Boba, il faut que je la lise. Ewood Stone Retainers. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça fait? C'est un test. Je te la montre. C'est cette excellente carte. Ah, ouais. je vais te la lire. Non, c'est pas jouable. Non. C'est une 4-4 pour 3 que tu ouais. dois jouer un autre spell avant pour la jouer. Ouais. On va aller voir notre rare, c'est quoi maintenant? Donc, non, merci. C'est ça, on la met en bas du pack. Oh, on va peut-être changer d'idée. Renaud, on va peut-être changer d'idée. Tu viens-tu te faire de l'argent? Ben presque, oui. Je viens de faire de l'argent. Notre carte, en plus, je suis super content. J'en voulais. Je m'en serais acheté, mais je la trouve trop chère. Fait que, aussi bien de l'ouvrir dans ce temps-là. Notre carte, c'est Soulfire Grandmaster. C'est un colorless, un blanc. Ouais. Et ben, lifelink et tes sorts, en fait instant et sorcery, ont lifelink et on peut aussi faire un genre de buyback sur les sorts en payant 2 et isit dans le fond. 2 isit. C'est une 2-2. Je pense que le choix est assez simple, mais quoique, on pourrait débattre qu'en limité Sunstep Outcast et sur un pied d'égalité avec Soulfire Grandmaster, mais pour moi c'est plus fort, mais il y a dans certaines situations où probablement que Sunstep Outcast serait meilleur que. Sauf Fire Grandmaster. Mettons que t'es. Mais ouais, vas-y. Des 2-2 pour 2. Il y en a un peu partout, là. C'est ça. Il n'y a pas de prowess ou rien, là. C'est exactement. Pas, Seeker of the Way, c'est meilleur que. Sauf ouais. Fire Grandmaster. Beaucoup meilleur en limité, ouais, de loin. Donc, si tu compares. Si Seeker of the Way avec Soulfire Grandmaster. Mm-hmm. C'est juste pour vous donner une idée là. Ouais, moi j'aime mieux Seeker of the Way en limité, c'est clair. Seeker of the Way, mais est-ce que... Puis là, Seeker of the Way... Fait que c'est moins bon que Seeker of the Way. Ouais. Puis Sunstep Outcast, ça doit être aussi... D'après moi, je prendrais le Sunstep Outcast si je veux aller blanc là. Ouais. L'affaire, c'est ça, c'est que... Mais l'affaire, c'est que... Ben... Mon évaluation... Faut aussi savoir avec qui vous draftez, parce que... Ouais. Mon évaluation de la carte personnelle, là. Ouais. Puis, des gens voient les mythiques rares, puis des fois, se font des idées comme plus grandes oui. que ce que c'est. Là. Ça reste une 2-2 pour 2 lifelink, là. C'est très bon, mais c'est pas... Mm-hmm. Et en limité, t'as incroyable, les sorts que... instant sorcery, il y en a beaucoup moins. Et ceux qu'il y a, souvent, ça sera pas pour faire du dommage. Les bons, ils vont coûter 3, 4, 5. Là. Fait que, tu sais, il faut que t'aies 8 mana pour que ça commence à être... Exact. Moi, je me suis emporté parce que je la voulais pour mon deck construit. Mais en fait, quand tu y penses vraiment en limité, je pense qu'en ce moment, le meilleur choix, c'est Sunstep Outcast. En plus, c'est qu'en envoyant cette carte-là à ta gauche, il y a des bonnes chances que le joueur à côté de toi force ou presque blanc-rouge ou blanc-bleu. Puis nous, avec le Sunstep Outcast, on va plus aller vers Abzan, à mon avis. Si on pense qu'on va rester avec notre first pick, évidemment, il faut voir ce que la table va drafter puis s'ajuster. Là. C'est peut-être une des affaires qu'il faut retenir quand on draft, c'est que il y a moyen de forcer certains archétypes si on le veut vraiment parce qu'on pense que c'est hyper dominant. Puis que c'est peut-être pas tout à fait connu ou moins connu de certaines personnes autour de la table, mais je pense que Sunstep Outcast en ce moment serait effectivement peut-être un meilleur choix. Mais notre paquet continue, Renaud, parce qu'on a une carte foil. Ah, mon Dieu, Seigneur. Ouais. Mais je pense qu'elle est pas mauvaise, là, mais pas sur le même pied d'égalité que Sunstep. C'est une non-commune, c'est Sibsig Mock Dragger, qui coûte 8 et un noir, 3-6. Avec Delve, et quand elle rentre sur Battlefield, on peut ramener une créature du graveyard dans notre main. Honnêtement, moi, j'ai jamais été satisfait de cette carte-là. Ouais, elle coûte trop cher. Tellement cher. C'est ridicule. Pour être un Grave Digger, faut enlever 5 cartes du graveyard. Ouais. Puis là, il te reste une créature après ça. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Oui, c'est une 3. Oui, elle a 6 de toughness, mais on s'en fout un peu. Oui, elle va être dure à peut-être à... Ça va être un stop sign, comme on dit. Là. Ça va être un signe bon. D'arrêt pour bien des choses. Mais si l'autre a moindrement d'évasion, t'es un peu sous pression, on est en fin de match tranquillement, puis lui, il y a des 2-1 dans les airs. Puis là, toi, tu joues ça pour... Pourquoi? Mettons pour 1, puis que là, tu te ramènes de quoi qu'il y a de flying. Puis, je veux dire, ça commence à être des hypothétique pas mal. Des gros blocages avec toughness, tu sais, il y en a des 2, 8 pour 5, des choses comme ça. Ouais, là, ouais, c'est ça. Si tu veux bloquer ça, il y a toujours moyen de bloquer, là. Ouais, puis je pense que c'est pas dans le... Fait que si tu veux avoir de l'avantage de carte avec ça, ça va être pas mal difficile. Ça va coûter très cher, parce que... Mais ça, puis on parlait tantôt de choisir ses cartes avec Delve. Dans ton graveyard, on a fini de caster ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis on parlait tantôt de choisir ses cartes avec Delve parce que c'est une mécanique qui est très forte, mais qui, plus tu as des cartes qu'il y a Delve, moins qu'elle devient bonne. Faut que tu choisisses tes combats. C'est clairement pas un bon choix là, pour passer des cartes du graveyard, en tout cas pas à mon avis. Je pense que Gurmargel Angler, c'est meilleur que Mock Dragger. Moi aussi, même puis, si le... Je verrais... je pourrais voir des gens prendre Soulfire Grandmaster puis être bien zen avec ça. Ouais, Sunstep mais attends un petit peu, il reste une carte. Puis Gurmag Angler aussi. Ouais, ok, parfait. Ouais, j'avoue. Ah, puis il y a une land. Ouais, il y a une land, exactement. Puis je vais en profiter pour parler de quoi. Et on a quand même un land intéressant que ça va pouvoir nous faire discuter de ça. C'est... On a un Flooded Strand. Donc... T'as ouvert une fetch en plus. Ouais, j'ai ouvert une fetch. T'es-tu coquin, toi? Je suis coquin, hein? Je suis vraiment coquin. C'est rare, j'ouvre des bons paquets. Là je suis assez satisfait parce que j'ai comme une espèce de début de pile de Jeskai genre token, mais ça me fait pas triper Jeskai token tant que ça, mais j'ai quand même du plaisir à le jouer. Fait que ça va faire des beaux ajouts pour mon début de deck, mais en même temps... Si tu veux aller jouer au FNM... C'est ça. J'ai mon deck papier. Philippe, il a mon deck papier. Ah ouais, ok, le Sage of Hour, c'est bon ça. Mais ça me fait dire, en ce moment, toi, dans le format, tu préfères avoir le land double ou un Flooded Strand? Ah, oh, le land dome. Ouais, hein? Ouais. Ouais, moi aussi. Qui donne les deux couleurs, là. Ouais. Avoir les deux couleurs sur plusieurs tours, ça peut être. Parce que. Ça peut. Ouais, c'est vraiment important d'avoir les deux couleurs. Ouais. Pour développer, bien développer ta mana. Puis le un point de vie, il peut être important aussi. Là, ouais, que... exactement. Donc, moi aussi, je pense fait qu'en que ce non, moment. là, si c'était une laine double, peut-être que je. Comme la qualité des cartes dans le paquet pas super élevée, Non. peut-être ça pourrait être justifié de prendre une land double, Ouais. mais une fetch, mais je pense pas. Je suis d'accord avec ça. Fait que, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est deux cartes comme qui sont le Soulfire et le Flooded Strand, qui sont des cartes ultra, ultra puissantes, à mon avis, en construit, mais qui finalement, étonnamment, moi aussi, je pense que je sortirais le Sensitive Podcast de ce paquet-là, puis je serais content de mon premier choix, là. Pour plein de raisons, là. Ce qu'on parlait tantôt d'envoyer ça à gauche, le Soulfire Grandmaster, on force peut-être quelqu'un à aller vers blanc-rouge ou vers blanc-bleu. Et nous, de notre côté, on s'enligne plus vers Abzan, dépendamment des cartes qu'il y a. Donc, ouais, moi je prendrais le Sensi Podcast. T'es d'accord avec ce choix? Oui. Right, excellent. Puis, Avec ben... l'idée peut-être blanc-rouge aussi, là, parce que Sensi Podcast avec. Ouais. Il y a Warflare, Trumpet Blast. Puis c'est. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est bon d'aller horizontal avec ces cartes-là. Mm-hmm. Tout à fait. Bon, ben écoute, super. C'est bien intéressant tout ça. Puis l'affaire que je voulais te dire, en fait, c'est que je sais pas si tu étais au courant de. Au Pro Tour, il y a eu une espèce de grande. Mode, je dirais. Pas plus vraiment de mode, mais les équipes de pro, c'est. Il y a une couple de personnes qui ont forcé. De jouer 5 couleurs bombes. Ils appelaient ça, dans le fond, c'est que selon eux, dans Fate Reforged. C'est vraiment excellent dans les premiers paquets, là, à moins d'avoir vraiment quelque chose qui peut pas se passer, là, dont tu peux pas te passer. Si tu prends le land double, là, le land qui arrive en jeu tapé. Et parce qu'en fait, ou sinon, c'est que tu. Vraiment là, une couleur ou deux maximum, mais c'est qu'en faisant ça, c'est qu'ils se sont rendus compte que, tu sais, mettons, là, tu pourrais avoir comment il s'appelle le démon là, dans Mardu, j'oublie le nom. Butcher. Ouais, Butcher of the Horde. Mettons, tu peux avoir un Butcher of the Horde qui va aller 5, 4e, 6, 7. Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça, exactement. Puis là, eux se sont dit, moi, ce que je vais faire, c'est que dans les premiers paquets, je vais sortir toutes les land doubles que je peux, à moins qu'il y ait vraiment là, des cartes qui soient dominantes. Mais dans un paquet comme ça aurait été un bon exemple. Là, si ça avait été un land qui arrive en jeu tapé. Bon, le Sensitive, il peut être très intéressant, mais en même temps, c'est pas une bombe. Là. C'est pas le genre de carte que tu dis, ah, non, je peux pas passer ça. Tu prends le land. Prochain paquet, tu prends l'end. Puis là, aussi, ça envoie le signal à ta gauche que toi, il y a quelqu'un à droite qui est en train de faire cette stratégie-là. Donc, eux autres vont aller ailleurs que vers ça parce qu'ils se rendent compte que dans leur paquet, il n'y a jamais le land. Et lorsque tu ouvres ton paquet de Cons of Tarkir, mais là, tu es complètement ouvert parce que tu as une mana base qui est débile. Tu peux prendre des rares sans problème et ça te fait vraiment un deck qui a. Un haut niveau de force. C'est sûr que mais tu je pense joues... que ce qui appuie ça, c'est que les communes, les zones communes de Fate Reforged, à part Timur Sabertooth, tes Lithgare Guard puis Pyrotechnics, c'est des zones communes, là. Après ça descend vite quand même rapidement. Ouais, la qualité là. Est médiocre. La qualité, puis la qualité des communes, à part Sensitive Podcast, Heaven Surveyor... C'est assez. C'est quand même assez bas comparé ouais. À Cons of Tarkir. Vraiment. Les rares, par contre, sont vraiment ridicules. Exact. Ce qui fait que si t'as pas une bonne rare, probablement que rester ouvert avec des lands puis attendre pour les paquets de Cons of Tarkir pour ramasser tes communes ouais. peut être exactement. Une bonne stratégie. Mais là, rendu là. Ça dépend de qu'est-ce que tu ouvres puis qu'est-ce que tu vas passer aussi là. Mais... Non, c'est clair. Mais sauf que ce qui est intéressant avec ça, c'est ça. C'est si tu veux forcer ça, je sais pas. C'est peut-être. J'ai pas testé assez pour. Ouais, ouais. J'ai pas pour en parler, mais c'est ça. C'est. Je peux pas dire que c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée, mais ça a l'air justifié quand même. Ouais, ouais. Mais c'est exactement ça qu'il disait. Puis il disait, à moins que tu prennes là, vraiment une bonne rare, là, justement, parce que les rares sont quand même souvent très fortes. Tu prends soit la bonne rare ou le land, puis tu gardes ça en tête, la bonne rare ou le land, pendant tout le paquet de Fate Reforge, Et après ça, quand tu arrives dans Khans of Tarkir, souvent tu te retrouves avec vraiment les options ouvertes. Tu peux aller justement aller chercher une bonne base de commune en commune ou aller chercher des rares qui font le tour de la table parce qu'ils sont pas dans les couleurs du monde. Parce qu'il y a gros, il y a plusieurs personnes qui essaient de rester deux couleurs avec un petit splash. Puis ils vont pas aller trop tôt se commettre à trois couleurs, même dans le début du paquet de Khans of Tarkir. Fait que tu peux ramasser des cartes trois couleurs qui sont quand même très fortes. Mais c'est ça. J'ai pas fait assez de draft moi non plus. Avec ça en tête pour l'essayer, mais c'est peut-être quelque chose que certains auditeurs, si jamais vous n'aviez pas entendu parler de cette stratégie-là, ça peut-être quelque chose à essayer. Parlant de ça, on va en profiter peut-être pour transitionner vers le sujet principal, parce qu'il y a comme deux choses qui me font penser à ça. La première, c'est qu'on a ouvert un vrai paquet avec des vraies cartes, puis moi, c'est le seul format que je joue. C'est-à-dire, je joue juste à Magic avec des vraies cartes, mais il y a possibilité, comme plusieurs le font déjà, de jouer à Magic sur Magic Online, donc Magic the Gathering Online, qui est un programme souvent appelé MOTO, MTGO. Mais sauf que, pour moi, c'est un peu toujours une énigme comment aller vers MTGO, et je sais que toi, t'es quand même un joueur qui joue pas mal à Magic Online, et donc je trouvais que ça pouvait être intéressant qu'on fasse un peu un topo sur peut-être comment faire une transition vers Magic Online, mais aussi peut-être juste de parler des forces et des faiblesses de ce programme-là, puis aussi qu'est-ce que ça implique de décider de jouer à Magic Online par rapport à si on est déjà investi un peu dans les cartes en papier. Fait que pour commencer, tout simplement, toi, ça fait combien de temps que tu... Parce que moi, je savais que tu jouais aussi avec des cartons, parce que on en a déjà échangé, mais ça fait-tu longtemps aussi que tu joues à Magic Online? Puis est-ce que peut-être ma première question serait, est-ce que c'est faisable de supporter de jouer et en papier et sur Magic Online? À moins d'avoir un revenu stable, non, je pense pas que c'est... un gros revenu stable. Mm-hmm. Non, je pense pas que c'est faisable de tenir les deux. Moi, j'ai fait une transition. J'ai vendu une partie de ma collection pour acheter des cartes sur Magic Online. OK. T'as fait ça quand? J'ai fait ça quand j'ai déménagé à Mont-Laurier. OK. Surtout. J'en avais un peu avant déjà, mais... pas tant que ça. Puis... c'est vraiment quand j'ai commencé à jouer construit que j'ai eu plus de plaisir sur Magic Online. Okay. C'est sûr qu'il y a un investissement initial vraiment plus grand. Ouais. Sauf que les événements coûtent pas mal moins cher. Okay. Puis rapportent beaucoup plus que les drafts. Okay. Je m'explique, admettons, pour un draft, il faut faire un investissement initial de au moins 12, 13 tickets. OK. Bon, comment ça fonctionne? C'est qu'un ticket, c'est à peu près l'équivalent d'un dollar américain. Fait qu'en ce moment, avec le taux de change aussi, c'est pas mal moins avantageux de commencer maintenant. Là. Mm-hmm. Moi, l'année dernière, le dollar était quasiment à parité, là, que c'était pas si pire. Aujourd'hui, ça commence à être pas mal plus cher pour les Canadiens de jouer sur Magic Online. Mes taux de change à part, les drafts, ça coûtait ça à peu près 13 tickets. OK. À peu près 15-16 piastres. Puis tu as le choix entre 8-4 ou 4-3-2-2. C'est-à-dire mm-hmm. le premier gagne 4, deuxième 3, troisième, quatrième 2. Mm-hmm. Puis l'autre c'est 8-4, c'est 8 au gagnant et 4 en finale mm-hmm. pour le finaliste. Puis c'est élimination simple. Fait que si ton deck est bon, puis tu ferais 2-1 le jeudi soir ou à ton magasin, tu sais. Puis que là, tu perds la première ronde, ben c'est fini, là. T'es c'est éliminé. Fini, okay, t'as perdu. Si t'as rien ouvert, là, t'as perdu. Puis à part les cartes qui sont vraiment jouées en construit, les cartes valent rien. Ok, ouais. En papier, les cartes plus casual, là. Ben ouais. Les cartes des joueurs qui jouent pas compétitif, ouais. Ils tiennent quand même une certaine valeur, ben ouais. Qu'il n'y a pas sur Magic Online. Fait qu'il faut prendre ça en considération. Fait que si tu ouvres pas les grosses mythiques puis les grosses rares, ouais, les cartes de Commander aussi. Les cartes de Commander valent rien sur Magic Online. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est à prendre en considération. Les cartes ont beaucoup moins de valeur. Puis les paquets sont à peu près le même prix, là. Ouais, ok. C'est Sur ça. Magic Online. Ils sont entre 2,5 et 3 tickets. Fait qu'en tout cas. Mais pour commencer à jouer construit, c'est moins cher sur Magic Online quand même. Oui, hein, parce que les cartes valent un peu moins cher en général. Ben, ça dépend, Ouais. là, il y a des hauts et des bas, Il y puis a les des prix bougent beaucoup exceptions, plus là, vite, là, comme. Mais comme Tarmogoyf, c'est 80-85 tickets. ouais. Peut-être un peu plus maintenant, là, vu que c'est revenu dans la métagame moderne. Il y a des cartes comme ça là, qui sont pas mal moins chères qu'en Ouais. papier. Si vous Fait... voulez commencer à jouer moderne, Ou même ben Legacy. là, ou même Legacy, vous pouvez commencer. T'sais, les Force of Will sont 35, 30, 35 dollars, 20 tickets. Fait que peut-être 50 dollars canadiens, mais c'est encore pas mal moins cher là, C'est ça. Mais c'est ça, c'est que qu'en t'as pas papier. l'objet dans tes mains. Puis on dirait que c'est peut-être ça, moi, qui. C'est Oui, comme ben ça tu c'était l'as. fun. Oui. Mais la transition de. Je sais pas, hein. C'est à toi, là, la carte, tu peux l'échanger, tu peux la vendre. Ça a à peu près le même effet que Ben dans Magic Papier, là c'est mais. ça. Là, c'est un autre problème, là. Sortir pour sortir, là. Moi, je peux vendre mes cartes papier à d'autres gens, là. Mais pour sortir de Magic Online, ça devient pas mal plus compliqué. Là, faut échanger des. Faut transformer. Faut vendre les cartes Un robot, à des ordinateurs, à des hein? robots, en tickets, obtenir l'étiquette, puis après ça, revendre l'étiquette à Un joueur. un site qui fait de OK. l'échange par PayPal. OK. Puis là, t'as un pourcentage là, qui se gruge encore. Fait que, non, c'est. Une fois que une fois que vous mettez de l'argent sur Magic Online, Ça reste dans attendez-vous Magic pas à le Online. revoir. C'est ça. Ouais. Mais Sauf en que même temps, c'est ça, il y a moyen. comme il y a moyen de. Si vous voulez jouer vintage, vous pouvez jouer vintage sur Magic Online en investissant à peu près 1 600 $. Puis là, vous avez le Power 9, puis toutes les cartes vintage importantes, des Chase, des. Tu sais, tout ça. Les Force of Will, etc. Là. Ouais, Et avec la toutes les tuque. Dual Lands sont 15, 20, 30, 30, 30, 30 tickets max. Il y a des formats comme ça où est-ce que c'est vraiment moins cher. Mais pour jouer standard, ça demeure un peu compliqué là, parce que c'est difficile de bouger rapidement les cartes. Ouais, ok, c'est ça. Parce que j'avais l'impression que c'est que les prix bougent très très vite aussi sur Magic Online, là, si, beaucoup plus vite qu'en papier, là. Puis il faut que tu sois un peu en avance sur ce qui va se passer financièrement. Il faut que tu tiennes à l'affût des tendances parce que sinon, c'est ça, tu fais vraiment. Les prix bougent beaucoup plus vite. Fait que tu sais, si, mettons, tu veux. Si on peut résumer ça comme ça, Magic Online, c'est clairement plus une dépense Ouais. que Magic sur papier. Ah ouais, Magic hein? sur papier, il y a peut-être soit on peut s'attendre à un retour de 60% peut-être, Ouais, ça aurait de l'allure. à peu près, si on gère bien ces choses, 70 peut-être pour ça. Sur Magic Online, je considère que c'est zéro. Ok. Mais je te Chaque dirais. sou qui est mis là, je le reverrai jamais. Ouais. Mais je te dirais, par exemple, là-dessus, je te relancerais parce que je sais, il y a du monde qui font presque. Ils s'en servent comme quasiment la bourse, là. Puis ils sont montés vraiment une mécanique. Du tonnerre, là, ils savent à quel robot vendre, puis ils savent à quel site aller, puis tout ça, puis ils suivent les tendances d'avance, puis ils réussissent à rendre Magic Online comme une espèce de bourse, où est-ce qu'ils, avant les Pro Tours, ils s'informent quelle carte risque d'être jouée, ils en achètent une bonne quantité, là. Quand on parle de bonne quantité, c'est genre je vais acheter 150 Master of Wave, mettons, Master of the Wave, avant le Pro Tour de Terros, parce que j'ai entendu parler que les pros jouent avec, puis là, soudainement, la carte monte à 20$, à 20$, puis fou, je les vends tout de suite, ça se vend assez vite quand même avec les robots puis tout ça. Donc, il y a moyen, mais écoute, faut comme tu sois. Si tu dis, ok, je vais jouer à Magic, puis tu t'en sers juste pour jouer, puis pas vraiment dans une optique là, hyper justement là, à l'affût pour faire les transactions financières, tout ça, Ah ouais, je puis suis mais d'accord ça, comme toi que ça va il y a moyen de devenir le faire autant sur une. papier que sur Magic Online. Ouais, exactement. Mais sauf que faut que. C'est que sur papier. Tout ça se passe beaucoup plus lentement. Donc, sur Magic Online, c'est pour ça que si t'es pas hyper à l'affût, je pense que justement, c'est là où ça devient comme plus une dépense. Parce que toi, t'es là pour jouer au jeu, puis pas pour faire l'apologie de Magic Online, mais admettons que vous voulez jouer dans des événements compétitifs, faut s'attendre à ce qu'il y ait des différences, là. T'as pas le feeling contre qui tu joues. Ouais, c'est ça. Tu peux pas regarder dans ses yeux, tu peux pas... Tu passes sur F6 pour changer les jeux. Tu dois faire attention aux boutons que tu touches sur ton ordinateur. C'est ça. Le temps est pas compté de la même façon. Fait que ça, c'est un avantage, là. T'as pas ton adversaire qui gruge le temps juste pour pouvoir avoir une nulle. Ça arrive jamais, ça. Il n'y a pas de triche. C'est impossible de tricher. Ça, c'est un gros avantage. Mais ça. Les triggers sont mis sur le stack pour toi. C'est impossible d'oublier un trigger sur Magic Online. Fait que si vous êtes du genre un peu distrait vous oubliez vos triggers, ça vous arrivera jamais sur Magic Online. Fait que c'est un avantage. C'est assez visuel que ça peut vous permettre de justement vous habituer. Même si je dis que ça l'est fait pour vous automatiquement, vous avez quand même besoin de cliquer. Au moment que le trigger apparaît, vous avez besoin de cliquer pour les mettre dans l'ordre, s'il y en a plus qu'un, ou même si. Fait que ça donne quand même un beau visuel de ce que c'est le stack. T'sais. Ça peut aider à des gens À comprendre. à apprendre, là. Puis à pas oublier. Donc ça, c'est des avantages là, indéniables. Puis aussi le fait que vous êtes chez vous, dans votre salon. Moi, j'aime bien l'aspect social de Magic pour jouer avec d'autres gens, puis aller en voyage, puis voir des gens, voir des amis, puis... rire pendant le voyage, prendre du bon temps aussi. Ben ouais, c'est clair. Mais si je veux juste jouer à Magic, c'est aussi un avantage d'être chez moi, puis je peux faire la vaisselle entre les rondes, puis je peux faire des affaires. T'sais. C'est ça. Fait Ben que c'est ça. c'est un avantage. Puis c'est au final, même si ça te paraît peut-être un peu plus cher, qu'il n'y a pas de coût de transport, pas besoin de coût de restaurant, de ci, de ça, tout ce qui est autour de ça. Le prix d'inscription est relativement le même. Fait qu'admettons pour un Pro Tour Qualifier sur Magic Online, ça va coûter 30 tickets. Mais là, sans tous les coûts à côté, ça peut revenir pas mal moins cher là, de jouer sur Magic Puis c'est Online. ça parce Si qu'il y vraiment a. votre but, c'est de vous qualifier pour le Pro Tour, probablement que Magic Online, c'est une place là, à aller. Puis sur des sites comme MTG Goldfish ou même sur le site de Wizards directement, ils affichent les decks qui ont des bons résultats. Fait que la métagame est connue, puis il y a des données à chaque jour qui sortent. Fait que c'est quand même assez facile de s'ajuster après ça à la métagame, puis de changer les cartes de sideboard, des choses comme ça. Fait que ça, puis à un moment donné, on finit par même connaître des gens, reconnaître les gens, C'est ça. qu'est-ce qu'ils Puis jouent là, parce que même si on peut penser qu'il n'y a pas des millions de joueurs sur Magic Online, là, malgré ce qu'on pourrait croire, là. Fait que, y a des gens qui reviennent, puis là, on finit par comprendre des choses. Puis ben ça, puis l'affaire par exemple, moi, le pourquoi je m'intéressais un peu à Magic Online, puis je me suis demandé, je fais-tu la transition, c'est que moi, essentiellement Magic en ce moment, je suis très occupé et c'est le vendredi, je fais un draft avec des amis. Essentiellement, c'est ça. Et j'ai presque pas le temps. J'adore me monter des decks, j'adore suivre tout ce qui se passe autour de Magic. Je regarde toujours les decks en construit, qu'est-ce qui est joué en ce moment. Je regarde l'évolution de la metagame en moderne, en standard. Je jette un œil sur Legacy un peu, mais c'est un format qui m'est un peu plus éloigné. Mais je passe plus de temps et d'heures à m'intéresser à Magic qu'à jouer à Magic parce que je peux pas juste en claquant des doigts dire à quelqu'un hey, viens jouer chez nous, on va jouer à Magic, j'ai le goût de jouer. Tandis que toi, quand tu es sur MTGO, sur Magic Online, ben si tu as le goût de jouer à Magic, tu te pars ton ordi puis tu as la chance de jouer, de pratiquer, de voir des decks, de pouvoir jouer au jeu. T'sais. C'est comme si ça donne accès au jeu, mais en même temps, il y a le fait que c'est pas la même sensation. T'sais. Justement, tu n'as pas tes cartes, tes brasses pas. C'est comme un peu les désavantages de Magic sur papier, comme pouvoir oublier des triggers, toutes ces petites affaires-là, mais ça fait quand même que c'est un peu ça Magic aussi. Sur papier, c'est un match d'erreurs. C'est ça, puis il y a Beaucoup, tu toutes les bugs du programme aussi là, qui peuvent faire sacrer beaucoup de monde. sais. Ça arrive quand même souvent, mais Habituellement, ils posent pas vraiment beaucoup de questions. Puis si vous remplissez le formulaire de remboursement, vous allez être remboursé le prix que ça a coûté Pour rentrer. d'entrer dans l'événement. Fait que ça, Ouais. Puis c'est pas aussi. parfait, là, parce que, tu sais, on s'attend, tu sais, il y a comme un... Brian Kibler, il disait, mais moi, j'investis du temps Ouais. dans le jeu, puis après 5 heures d'un tournoi, tu sais, il y a eu beaucoup de problèmes avec des tournois majeurs, là, parce que Ouais. après 5 rounds, 6 rounds, ben là, le tournoi plantait, puis les gens se faisaient rembourser le coût d'entrée. Mais tu sais, il disait, ben, j'étais sur le bord de gagner, de faire Ouais. top 8, peut-être, tu sais, puis là, tout ça C'est comme recommence si du c'était pas début, fait. arrivé, ouais, c'est C'est ça, ça, c'est puis comme. il reprenait le tournoi du début la prochaine fois, tu sais. Et que, il y a eu beaucoup de... Il y a eu comme une crise, là, quand ça s'est arrivé. Ouais, je me Puis je rappelle. pense que la confiance n'est pas 100% rétablie Ouais, sur la fiabilité du programme. sur la fiabilité du programme. Mais à chaque semaine, moi, je vois des petites améliorations à chaque semaine sur le programme. OK. Fait que c'est quand même sur une voie, là, ascendante, si Ouais, mais on en même veut, temps, là. c'est ça, tu regardes. Moi, ça, c'est une des affaires aussi qui m'éloigne un peu de Magic Online, même si je suis conscient que justement, c'est une des meilleures façons de pratiquer le plus. Ça reste que, c'est laid. Sérieusement, t'arrives là, avec la liste des matchs, c'est à n'y rien comprendre. C'est vraiment pas facile d'utilisation, je trouve, à première vue. Je sais qu'une fois que tu connais bien le programme, ça va de soi. Tu connais les. À un moment donné, tu es capable de passer par-dessus l'aspect esthétique, puis tu connais le fonctionnement, puis tu te promènes là-dedans, puis ça va bien. Mais au premier coup d'œil, mettons, je dis à un de mes amis, hey, regarde ça, j'ai un jeu, c'est vraiment. J'adore ça, je joue à Magic, je vais te montrer. C'est comme. Ok, d'accord, on dirait que c'est un jeu des années 70, là, tu sais, au sens où, je sais pas, je trouve que on n'est pas au niveau de la comment le jeu fonctionne, comment justement ta collection est mise en valeur, tout ça, ça, mettons, si je compare avec un autre jeu de cartes, mais qui est tellement moins complexe que Magic, mais mettons, Hearthstone, moi je joue un petit peu Hearthstone aussi, mais tu sais, c'est tellement bien plus Ouais. Un des gros facile. avantages de ce jeu-là, c'est que c'est gratuit. Ouais, D'abord, là. un c'est gratuit, puis aussi, Hearthstone. c'est ça, ils sont pas. Le deuxième avantage, c'est que si tu as juste 15 minutes pour jouer, tu peux juste jouer 15 minutes Vraiment. à Hearthstone. Tu peux juste jouer une partie. Tandis qu'à Magic, si tu veux faire un draft ou si tu veux faire un événement construit, sans que ça coûte vraiment cher, parce que tu peux faire des événements construits à deux tickets. Ouais, c'est comme Le fantôme. gagnant gagne un booster qui vaut 2,5 tickets, fait que Ouais, ouais. c'est vraiment pas rentable, là. Ça, comme tu fais ça en dernier recours, là. Mais si tu veux jouer, il faut que tu aies un bon 3 heures devant toi, minimum. C'est un peu intense. Si tu veux jouer dans quelque chose où est-ce qu'il se passe de quoi, puis qu'il y a des vrais decks, là. Ouais. Fait que ça, c'est un gros désavantage comparativement à Hearthstone. Mais ça se jase, il y a des rumeurs là, qu'il pourrait avoir un système de ligue dans Magic Online où est-ce que les gens se connectent, puis au bout de la... C'est comme à chaque semaine, t'as comme une semaine pour accumuler des points, puis à la fin de la semaine, ben là, t'as des prix selon les points que t'as accumulés ou je sais pas trop, là. Mais ça, c'est pas fait. Puis ça fait quand même plusieurs années que ça se parle. Puis c'est jamais arrivé. Puis à chaque année, les gars de Channel Fireball, ils disent, ouais, la ligue, ce sera vraiment le fun cette année. Blablabla. Puis ils disent, puis il y a certaines personnes de Wizards qui lancent comme des flèches qui disent que ce serait peut-être des choses à améliorer, sans être clair sur une échéance ou que ça allait arriver, tu sais. Il n'y a pas d'engagement de prix à cet effet-là. Puis ça, c'est un désavantage pour ceux qui ont des horaires limités comme toi, mettons. Ouais, c'est ça. Ou comme moi, même. Ben ouais, tout à fait. Mais c'est ça, puis. Mais j'espère en tout cas que le fait que. Parce que je sais que Magic, justement, ils ont sorti leur dernière version, ça fait pas si longtemps, ça a été super mal reçu. Il y a souvent de la résistance au changement dans n'importe quoi, ça c'est une chose, mais les gens finissent par s'habituer habituellement. Mais sauf que je sens qu'il y a une refonte, parce que leur jeu, Duel of the Planeswalker, que moi j'apprécie pas particulièrement, mais il y a quand même une bonne réception dans le grand public. Est-ce que c'est un peu plus... disons, ben justement, grand public que Magic Online, est-ce que, je sais pas, on dirait qu'ils sont sur le bord d'avoir quelque chose qui pourrait avoir de l'allure, mais ils ont de la difficulté à rendre ça, parce que Magic c'est tellement un jeu complexe aussi que c'est peut-être dur à rendre comme un programme, parce qu'il y a tellement d'interactions, puis il y a des cartes aussi qui sont pas pensées, je pense, pour Magic Online, là. Il y a des gens qui, quand ils créent une carte, ils pensent pas que, ben, ils doivent penser, mais ça implique de la programmation dans le jeu, parce que ça fait faire des affaires qui ont jamais été faites avant, puis c'est un jeu très complexe, puis je me demande jusqu'à quel point c'est facilement ça peut facilement se transposer en ligne. En même temps, ça se fait, ça existe, il est là le programme, puis il fait quand même le travail. Sur les aspects de programmation des cartes, il y a des erreurs, il y a des listes d'erreurs. Comme des fois, une fois, il y avait Pillar of Flame, mais là, ça n'exilait pas la créature. Là, vraiment, vraiment. Il y avait des changements dans la metagame parce qu'il y a des cartes qui ne fonctionnent pas comme il faut. Là. OK. Puis, il y a une liste de tous ces bugs-là qui est disponible sur le site. Fait que vous êtes capable de voir. Là. Puis, à chaque semaine, il en corrige. Puis, il y en a de moins en moins. Mais, sur la programmation des cartes, c'est vraiment pas si pire que ça. Ouais, OK. C'est plus sur les aspects de serveur puis de connectivité. Mm-hmm. Ouais. Que là, il y a des enjeux sur ça qui fait que ils sont obligés de limiter la grosseur des tournois, puis le nombre de rondes, puis sinon leur système n'est pas capable de prendre plus que ça. Mais sur l'aspect fonctionnalité du jeu, là, c'est pas si pire que ça. Okay. Il y a encore des choses à améliorer tout le temps, mais vu la complexité du jeu, ouais, vraiment. Moi je trouve que c'est parfaitement acceptable en ce moment. Là. Puis dans le fond, toi, t'as fait la transition. Il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Il y en a qui seront pas d'accord avec moi. Ouais, ça c'est mais, clair. Ouais, une discussion, ça quand il y a vraiment un problème, un bug, ouais. Qui fait que vous remplissez un formulaire de remboursement, puis vous avez votre remboursement à cause du bug de la carte. Puis c'est sûr que c'est frustrant, mais il n'y a pas complètement laissé pour compte. Là. Ouais. Puis admettons, là, ça, tu essaies de me dire, bon, mais Guillaume, OK, tu vas commencer à Magic Online demain. Tu me conseillerais quoi, en fait? Moi je, dans ma tête, je me dis, je pense que je commencerais à faire des drafts tranquillement. Quoi? Achète-toi un deck de Sage of Hour pour 20$. Non, mais mettons que je veux commencer par jouer. Par quelque chose qui coûte pas cher. Mm-hmm. Faire des daily events là, qui coûtent 6. Ça coûte 6 tickets. Okay. Puis si vous faites 3-1, vous gagnez 6 boosters. OK, quand même bien. C'est comme valeur à peu près de entre 15 et 18 tickets. Là. OK. Peut-être un peu plus, là, mais les boosts, ça dépend de la valeur des boosters. Mm-hmm. Mais puis si vous faites 4-0, ben là c'est 11 boosters, donc vous avez quasiment 30 tickets de valeur pour 6 tickets. C'est les événements qui rapportent le plus. Mm-hmm. Puis à partir de ce moment-là, une fois que vous faites des boosters, là, soit vous pouvez drafter avec ces boosters-là, soit vous pouvez les revendre pour faire des tickets puis racheter d'autres cartes, puis là, changer de deck. Fait que commencez avec un deck facile à jouer qui coûte pas cher. Ouais. Mettons bleu, blanc, héroïque, coûte pas grand chose. C'est ça, par exemple. Ouais. Apprenez-le comme il faut, gagnez avec, puis après ça, vous pourrez acheter des Planeswalkers, puis des choses comme ça. Puis jouer à autre chose. Puis jouer à autre chose si vous voulez. Fait que toi, l'avenue. Une passion pour Blue White Heroic, là. Ouais, c'est ça. Puis l'avenue, juste comment c'est. Parce qu'en ce moment, tu sais, sur Magic Online, il y a des gens qui font que jouer mono rouge. Ok. Tu sais, Goblin. Rebel Master. Non. Le Forge. Celui qui est 1-1 puis qui gagne +1/+0 pour chaque créature rouge qui rentre en jeu. Là, ah ouais, ok. Ouais. Ouais. Foundry Street Denizen. Foundry Street Denizen, puis Monastery Swift Spear, puis des Titan Strength, et puis c'était toutes Oh, des ouais. montagnes, il n'y a aucune fetch, il n'y a rien, il y a des Acroan Crusader, des Fire Drinker, ça tire, puis tu sais, Ouais. même si c'est pas un bon deck, puis même si je vous conseillerais pas de le jouer dans Un Grand Prix, un mettons. PPTQ ou dans un événement, tu sais, c'est un deck qui peut faire 3-1 dans des daily events. Fait que les gens, ils jouent ça, puis ils essaient de faire 3-1 dans les daily events, puis ça coûte tellement pas cher que tu les rentabilises super rapidement. Puis là, ben, à partir du moment que le deck est rentabilisé, il a coûté peut-être 40-50$, t'as juste besoin de faire 4-0 une fois quasiment là, pour le rentabiliser, puis après ça, ben, Tranquillement, tu montes ta collection. tranquillement, tu montes une collection, puis là, ben, là, tu peux partir avec ça. Fait que ça, c'est. Pour partir sur Magic Online, ce serait mon conseil. Faites OK. pas des drafts pour partir. Il y a des bons drafteurs en plus En et papier, oui, puis les drafteurs sont bons. Puis en papier, moi, je dis, commencez par drafter. Vous draftez, vous accumulez une collection, vous pouvez échanger des cartes, puis après ça, vous montez un deck construit. Sur Magic Online, c'est le contraire. Vous commencez par un deck construit pas cher. Ça vous permet d'accumuler des tickets. Puis là, de drafter, si vous voulez drafter pour le plaisir, ou de construire une collection. OK. C'est comme un peu le chemin inverse, là, mais je pense que ce C'est serait plus ma approprié. suggestion, là. Ah, c'est intéressant. Puis toi, est-ce que tu dis que tu as fait la transition parce que justement, là, tu étais plus loin de la communauté Magic dans laquelle tu as joué pendant longtemps. Fait que ça fait Oui, que. puis ça me permet en jouant, puis en créant des choses, puis en testant. De me rapprocher de cette communauté-là aussi. Tu sais, le deck de Siege of Hours, ce serait jamais arrivé que je monte ça en papier. Parce que j'aurais pas voulu acheter les cartes, il aurait été trop cher. Les cartes sur Magic Online, des fois, là, comme les Siege of Hours, quand j'ai monté le deck pour le PPTQ, puis pour le vendredi soir, là, les Siege of Hours m'ont coûté 2,5 piastres chaque. Ah ouais, c'est beaucoup Parce quand qu'il y a même. des gens qui jouent ça sur leur table cuisine. Ah ouais. Mais sur Magic Online, ça m'a coûté 5 cents chaque. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, les Adjani m'ont coûté peut-être 10 piastres chaque. Sur papier, ils étaient 20 piastres chaque. Ouais, T'sais? c'est ça. Fait que. Mais je pourrais jamais les revendre. Vraiment. Non, c'est Mais clair. si je revends mes Adjani que je viens d'acheter, ben, je vais avoir 10 piastres chaque. Je vais avoir perdu 10 piastres. C'est à peu près pareil, tu sais. C'est à peu près équivalent pour ça. Fait que ça dépend comment que vous le voyez, là. Donc c'est ça. Mais ça, je l'aurais jamais fait en papier en premier. Ouais, Le non, fait c'est que j'ai ça. eu Magic Online, que j'ai fait des tests, là, que j'ai changé des cartes, puis que ça m'a pas coûté grand-chose, ça m'a donné la confiance d'essayer le deck, tu sais. Puis il n'y a pas d'histoire de changer de sleeve, puis Ouais, c'est ça. d'avancer, puis de C'est temps à vrai, perdre, là. hein. Hey, pour le J'ai pu sideboard, c'est essayer, tellement j'ai pu mieux, monter le deck en à peu près 20 minutes. là. J'ai pas eu à sleever ni rien, puis tout de suite, je pouvais jouer. J'avais pas à attendre 2 jours que le FNM arrive ou que c'est. Fait que c'est Exact. sûr et certain qu'il y a des avantages indéniables à Magic Online. Puis il y a des avantages, là, très marqués aussi. Mais ça demeure une bonne plateforme pour ceux qui veulent jouer puis essayer des choses. Ouais, puis dans le fond, peut-être ma dernière question sur ça, c'est est-ce que pour toi, là, t'es en train de faire la transition, est-ce que tu vas continuer cette transition-là? C'est-à-dire, là, il te reste encore des cartes, est-ce que justement, là, tu serais tenté d'aller vers d'autres formats ou tu vas t'en tenir sur Magic Online plus à standard, puis draft, ou tu dirais, ah, peut-être me monter des decks modernes en Ben, ligne. non, j'ai Affinity. Moi, je jouais Blue Red Delver avant Treasure Cruise. Puis je réussissais à faire des 3-1 puis des 4-0 dans des daily aussi, là. Avec Siege Rhino, maintenant, peut-être Moins. que c'est plus faisable, mais avant que Treasure Cruise sorte, c'était faisable, là. Puis j'avais Affinity. Fait qu'en moderne, j'ai comme deux decks. Puis j'avais un deck Legacy avec Treasure Cruise, mais là, j'ai plus vraiment de deck Legacy, mais j'ai des Force of Will, puis j'ai des Volcanic Island. Ah ouais, ok. Fait que Il manque pas grand-chose pour faire un deck Legacy, mais les Wastelands sont vraiment chers. Ok. Ils sont comme 100 tickets. Ah ouais, c'est bol. Ouais, fait que c'est pas envisageable pour moi d'aller là vers ça pour Ben non, l'instant, vraiment. là. Fait que si le deck joue des Wastelands, je pense pas que je Tu vais vas pas le pouvoir jouer. jouer Legacy. Ouais. Fait que ça, pour Legacy, c'est un peu sustainable. Puis de toute façon, il n'y a pas tant de joueurs Legacy que Non, ça c'est ça. sur Magic Online. Hein? Exact. Puis standard, j'ai pratiquement tout Ah ouais, hein? là, en ce moment. Puis j'ai calculé, là, je tiens le compte là, de qu'est-ce que je mettais sur Magic avant quand je restais à Sherbrooke, puis de qu'est-ce que je mets sur Magic maintenant. Puis j'ai plus de cartes sur Magic Online que ce que j'avais dans la vraie vie, de standard, là, je Ouais. parle. Puis ça m'a coûté, ça me coûte moins cher que ce que ça me coûtait avant. Ouais, ce côté-là est intéressant, c'est clair. Hein? Puis le fait de pouvoir jouer quand tu peux, puis quand tu veux. Puis même que je me demande, est-ce que on n'est pas rendu à un point où Magic Online permet à des joueurs tellement d'avoir plusieurs répétitions avec leur deck que les joueurs qui jouent pas sur Magic Online sont peut-être désavantagés. Non, ça je pense pas, Non? non. Ok. Non. Tu penses qu'un Non, je joueur pense pas. qui joue papier puis qui réussit à avoir ses répétitions quand même Oui. le soir avec peut-être du monde avec qui il teste, puis de faire Oui, les FNM, puis d'aller dans les puis pré-PTQ, les puis... joueurs papier profitent de l'information qui est créée par Magic Online Ouais, c'est en vrai. lisant les articles, puis en lisant les rapports de metagame qu'il y a. Fait que non, je pense pas que tu sois obligé de jouer sur Magic Online pour avoir assez de répétitions pour gagner. Puis Magic, ça reste un certain niveau, ça devient comme un jeu avec des raccourcis Ouais. Ouais, puis. intellectuels, puis certaines choses que tu peux. Tu sais, il y a des choses que tu peux abstraire, là. Ouais. Tu peux faire des des shortcuts, Ouais, des tout à fait. raccourcis. Mais sauf que aussi, puis j'étais en train de Fait penser. que il y a des réflexes à un moment donné que tu peux développer juste en jouant sur papier. Ça fait plusieurs années que tu joues. Ça, ouais, Donc, je puis... pense pas que ce soit. C'est un avantage, peut-être pour certains, Ouais. qui sont isolés, là, de pouvoir jouer quand même. Ouais. Mais Ouais, non. puis aussi, peut-être un dernier point avant de se quitter puis de mettre un fin à cet épisode, c'est le fait que Magic, on en a parlé un peu, mais c'est beaucoup un... C'est un jeu de c'est situationnel, c'est... La métagame qui définit beaucoup qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Fait que même si, admettons, souvent la métagame sur Magic Online et dans certains événements va beaucoup différer d'une semaine à l'autre, même s'il va y avoir évidemment là, certaines corrélations, mais n'empêche que sur Magic Online, vous ne verrez pas nécessairement les mêmes decks qui vont dominer que dans un certain événement. Donc, même si tu joues beaucoup contre, mettons, sur Magic Online, on va dire que c'est Abzan qui est complètement partout, mais que du jour au lendemain, justement, là, il y a un Soulter Control qui gagne un grand prix, puis là, la metagame change pour le prochain événement, puis là, soudainement, c'est Soulter que tu n'as presque pas joué sur Magic Online. Ou... Bref, ce que j'essaie de dire, c'est Magic, c'est très dépendant de la métagame, mais ça veut pas dire que la métagame que tu as sur Magic Online, c'est la même que pour les événements dans lesquels tu vas participer. Je pense Non, qu'il c'est sûr. faut. Fait que, n'empêche que ce côté-là aussi, ça fait que, bon, il y a peut-être une espèce de petit avantage pour les gens qui jouent sur Magic Online d'avoir vu plusieurs decks à plusieurs reprises, mais en même temps, Ouais, si tu es comme bien préparé. le deck Soulter Control de Gérard Fabiano. Mais il est apparu sur Magic. Il était pas apparu sur Magic Online Ouais, c'est ça. quand il est sorti, parce que les cartes n'étaient pas encore sur Magic Online. Ouais, aussi. Fait C'est vrai. que des fois le papier est encore en avance sur Ouais. Magic Online. Ouais. Ben, écoute, sur ça, je vais quand même espérer que tu ne départisses pas de toute ta collection papier parce que, tu sais, Non, ça risque pas d'arriver. c'est bon ça. Parce que quand. Je serais curieux un jour de la feuilleter, voir c'est quoi que tu as comme. Dans ta collection, tu peux avoir quand même une bonne collection de cartes de Magic chez toi. Ouais, j'ai pas mal d'affaires. Ouais, C'est bon, ça. Ma femme, elle aime pas bien ça, elle trouve ça traîne. Ah ouais. Mais l'affaire, c'est ça, c'est pas facile à garder en ordre. On fera un épisode sur ça, sur vous, non. Comment vous faites pour tenir non, en ordre vos cartes. On fera pas un épisode là-dessus, non. Non, on va angoisser. Ok, super. Ben écoute, merci Renaud d'avoir pris le temps de parler de ça. Je pense que c'est quand même bien intéressant parce que moi, je te dirais aussi, quelque chose qui me retient, c'est le fait que je suis sur Mac et là, il faut tout que je crée un environnement parallèle avec Microsoft. Ça se fait bien, il y en a plusieurs qui le font, mais personnellement, je sais pas, je suis un peu réticent à installer Windows sur mon Mac. Je sais que ça se fait, je l'ai déjà fait en masse, mais je sais pas, là, j'ai ma petite réticence. Puis le fait que c'est vraiment un échec, là, parce que ouais, il y a de plus en plus de monde qui utilise des Macs, là, en tout cas. Ouais, vraiment. Vraiment, franchement, Wizards, forcez-vous, là. Ouais, puis honnêtement, moi je pense que c'est pas dans leur plan parce que quand ils ont fait le changement de la version, il me semble que c'est comme 3 à la version 4 ou quelque chose comme ça, je suis pas sûr là. Mais ils avaient pas l'air d'être à l'horizon. Va falloir qu'ils changent vraiment la base du programme pour pouvoir revenir en arrière sur ça, je pense. Mais... Ouais, mais en tout cas, quand ils ont passé de version 3 à version 4, là, ça avait été le moment de le faire. Là. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi je pense ils l'ont aussi. Pas fait, puis c'est un échec. Là, c'est lamentable. Ouais, vraiment, vraiment, il aurait fallu. Peut-être que je serais déjà en train de jouer un match de Magic Online s'il avait fait la transition vers Mac, mais ça me laisse loin. Je sais, c'est Bootcamp, c'est assez simple, mais ça me tente juste pas d'acheter Windows puis de mettre ça sur mon Mac et tout. Écoute, merci Renaud de ce bel épisode, puis on va prendre le temps de peut-être de parler un peu plus de ce qui s'est passé sur les scènes régionales, des pré-PTQ et tout ça, peut-être dans le prochain épisode. Je pense qu'on serait peut-être dû pour ça de faire un peu un portrait de qui est qualifié en ce moment pour les prochains PTQ, puis faire un peu un topo général sur la scène québécoise, là, où en est les qualifications pour les pré-PTQ. Ouais. Fait que sur ces belles paroles, Renaud, on se dit à la semaine prochaine, puis à saluer à tous nos auditeurs. Bye! Bye!